jamais. Pousser le sang pour tout donner. Déconnons de toute façon, on est tous condamnés. Le pire c'est qu'on le sait, qu'on s'en sort. Rassure qu'après notre mort, y'a une vie pure. Que notre esprit dure éternellement. C'est impressionnant de savoir qu'on est là. Que pour un moment, tout le monde s'en va un jour. Profite de ce qu'on a, même si c'est déconné de savoir qu'on est condamné. Faut pas penser, on est là pour s'amuser. Se poser, s'imposer. Et à vie, on est là pour s'épouser. À l'avenir qu'on aura, faut y penser. Dépenser notre blé. Je sais que cette vie est galère, pas facile pour certains. Je sais aussi qu'il y en a qui s'en sortent bien. Normal que tu gagnes des thunes, t'es posé. Tous on est condamnés. Pousse le sang pour tout donner. Déconnons de toute façon, on est tous condamnés. On connaît pas l'au-delà, on sait même pas ce qu'il y a. Pourtant les gens racontent, on se rend même pas compte de ce qu'ils disent. Croyant ou pas, on doit pas être là pour rien. De toute façon faut vivre le mal, le bien. Les gens nous quittent, combien de temps on a. Combien des miens s'en vont. Combien de fois on sera triste. On se renforce avec le temps. On s'endurcit aussi dans le moral. On est servi dans notre cerveau. Normal c'est mon rôle, mes paroles qui se déroulent. Et pas de la soule, c'est pas je te saoule. Même pas je râle. Tous on est condamnés. Pousse le sang pour tout donner. Et que non de toute façon on est tous condamnés.